voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec l'artiste sonore Antoine Bélanger. Restez des nôtres, on est de retour après un bref battement promo pour la suite de l'entretien à propos de ce dernier album intitulé Run d'Antoine Bélanger. Découvrir sur la fabrique culturelle. Une des plus grandes œuvres, les plus ambitieuses de cette série-là est la trilogie d'un triangle noir. Cette trilogie comprend en fait trois hommages en particulier. L'hommage aux automatistes, un courant fort important dans l'histoire de l'art du Québec. L'hommage aux plasticiens, un autre courant très fort qui suivait l'hommage aux automatistes. Et puis l'hommage à Christo, un artiste français qui avait pour l'habitude d'emballer des choses. Serge Lemoine, hors-jeu et hors-norme. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Serge Lemoine sans le connaître. Pendant 10 ans, il s'est consacré aux couleurs du bleu-blanc-rouge, qui était relié au Canadien de Montréal, bien sûr. C'est une façon pour lui, en fait, de se rapprocher des gens. Tous les talents d'ici, une seule adresse. De casser ce mur-là qui pouvait souvent avoir l'air d'être imposé entre la population en général et les connaisseurs des arts. Lafabriqueculturelle.tv. Vous écoutez l'accroche-oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est la croche-oreille jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL 89.1 à Québec. Je vous rappelle que vous retrouverez les titres des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille ainsi que les émissions archivées depuis un bon moment. Au programme ce soir, un entretien avec Antoine Bélanger, artiste visuel, musicien et artiste sonore, il va s'en dire, dont les œuvres sont très inspirés par l'air, la terre et le souffle de la nature. J'enregistre du son avec une guitare ou un ruisseau, un ordinateur ou un bout de terre, raconte-t-il. Antoine Bélanger s'exerce à la captation sonore sur le terrain pour en dégager, des poésies tout aussi littéraires que sonores, comme l'illustre à merveille le titre de quelques-unes de ses créations. Je vous les cite, la brume mordit encore le col. Dans cette nouvelle robe, son cœur bat, il s'envole. Il se frotte contre l'écorce et de son bras coule l'étoile. Antoine Bélanger est également un passionné de radiophonie sonore. On peut l'écouter dans le cadre de son émission nommée Cui Cui sur les ondes de la radio DIA depuis Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque français, sur Jet FM depuis la ville de Nantes et sur Pinode depuis Mulhouse et Paris sur DAB+ et sur le web. C'est facile à trouver. Alors voilà, Antoine Bélanger m'accorde un entretien il y a quelques semaines autour de son dernier album intitulé Run, un album réalisé en mouvement. On peut voir d'ailleurs une vidéo de son travail sur son site. Voilà, je vous propose la suite de ma conversation avec Antoine. On écoute ça. Thank you.

Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste Antoine Bélanger. Grand merci à Antoine de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres sonores que vous retrouverez facilement sur la plateforme Bandcamp ainsi que sur son site perso. Alors, je vous rappelle que vous retrouverez une petite des pièces sur le site La Croche-Oreille. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Alors voilà, bonne semaine, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. C-K-R-L-89-1.